yes I am libre penseur. Jody Farfar de Jaja Man. Bienvenue aux zoo des libres penseurs. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoo. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Un vrai peuple sadique, loin d'être comique comme vos zoos. Plus la moiselle, plus la moiseau, y'a que des animaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoo. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Un vrai peuple sadique, loin d'être comique comme vos zoos. Ils se transforment en moutons. Ils font tous une craque de coq ou une coupe hérisson. Une vie de flamant rose, c'est pas pour notre génération. C'est la flemme du paresseux qui envahit la population. Certains sont malins comme des singes, d'autres ont le cuit d'une moule. Y'a les gars qui deviennent chefs dès qu'ils croisent une belle poule. Une petite caille aux yeux de biche aperçue parmi la foule. Une panthère en chasse d'un ours qu'elle rendra très vite ma boule. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoos. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Peuple sadique, loin d'être comique comme vos zoos. Plus la moiselle, plus la moiseau, y'a que des animaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoos. Sur les visages, le gars sauvage, on se bouffe les museaux. Un vrai peuple sadique, loin d'être comique comme vos zoos. Plus la moiselle, plus la moiseau, y'a que des animaux. À la manière du lion des gens, joue les dominants, mais sans crinière. Ces corbeaux n'ont rien de conquérant. Pourtant, à l'heure de pigeon, les suit partout aveuglément. C'est la technique de l'autruche qui les maintient ignorants. Ça donne le boulon. Traversée de l'homme de crocodile. On vient gueuler comme des putois pour réveiller les âmes fébriles. Seuls les têtus comme une mule, ils resteront hostiles. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoos. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Un vrai peuple sadique, loin d'être comique comme vos zoos. Plus la moiselle, plus la moiseau, y'a que des animaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoos. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Un vrai peuple sadique, loin d'être comique comme vos zoos. Certains agissent comme des loups, d'autres attendent une émeute pour être les gorilles qui cassent tout. Tels des gazelles, quand le danger les heurte, ils prennent leurs jambes à leur cou. Notre monde est bestial depuis qu'on a quitté l'Éden. Gouverné par des chacals, beaucoup agissent comme des hyènes. Pris dans l'engrenage du mal, les gens vivent dans le blasphème. Et certaines brebis banales vont même devenir de vraies chiennes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoos. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Un vrai peuple sadique, loin d'être comique comme vos zoos. Plus la moiselle, plus la moiseau, y'a que des animaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoos. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Que ça dit loin d'être comique comme vos os. Plus la moiselle, plus la moiseau, y'a que des animaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoos. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Un vrai peuple sadique, loin d'être comique comme vos os. Plus la moiselle, plus la moiseau, y'a que des animaux. Bienvenue, bienvenue, bienvenue aux zoos. Ce dévisage bien sauvage, on se bouffe les museaux. Un vrai peuple sadique, loin d'être comique comme vos os.